Dimanche, à la fête de Marianne Saint-Gelais, Jean-Paul Asselin de l'Étoile du Lac et moi-même, nous avons discuté avec Fabi Larocherroy et Maud Tremblay de Beaumont-Sassigny qui vont participer à compter d'aujourd'hui au championnat canadien junior qui aura lieu à Vancouver. C'est une épreuve de qualification. Et question d'en savoir davantage, on écoute cette entrevue. Alors, junior et senior, ça veut dire à ce moment-là que vous allez être en présence des patineurs, de patineuses. Vous, dans votre cas, c'est des patineuses. Combien de personnes à peu près, combien de patineuses, vous ne savez pas exactement? 60 filles. 60 filles, OK, probablement la même chose du côté des garçons. Et vous allez être en présence aussi, comme Rosalie Tremblay de Saint-Félicien. Il y en a d'autres aussi de Saint-Félicien, je pense, qui sont... Non, Rosalie, je pense qu'elle n'y va pas. Elle est déjà qualifiée, je pense. Oui. Mais sa sœur... Léane Tremblay. Va être présente là-bas aussi. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette étape de Vancouver? Bien, pour moi, c'est sûr que c'est la progression de tous les efforts qu'on met à long terme. C'est de dire qu'enfin, tu as accès où tu as toujours vu les autres aller sans que toi, tu peux. C'est vraiment ça que ça représente pour moi. Oui. C'est juste vraiment de me dire, OK, c'est à mon tour, c'est ma chance, c'est moi. C'est un objectif. C'est ça. Oui. Et cet aspect-là, vous partez mardi, votre première compétition est... Jeudi. Vous avez des séances d'entraînement avant? Mercredi. Dans quelle discipline spécifique allez-vous patiner? Tout. On est fait. À savoir? Le 1500 mètres, le 500 mètres, le 1000 mètres. OK. Vous n'y allez pas. C'est toujours individuel, hein? C'est oui. Pas par équipe. Non. C'est toujours individuel. Ça n'est pas des styles de compétition. Des fois, il y a des relais, là. Oui. Mais comme celle-là, je pense qu'il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas celle-là. OK. Vas-y, si tu as des questions. Des objectifs particuliers pour les deux? De m'amuser. OK. Oui. M'amuser aussi. Si je me dis qu'en même temps, on est comme dans les 60 meilleurs du Canada en allant par là. Fait qu'arriver première, ça serait un peu irréaliste en même temps. Déjà, le fait de se rendre à Vancouver et puis d'être des 60 premières, si c'est le cas de le dire, pour vous autres, déjà, c'est un plus. Oui, exactement. Oui. Vous avez eu l'occasion de patiner hier, je pense, en compagnie de Marianne et des autres du centre. Quelle impression avez-vous retenue de cet entraînement hier avec Marianne? Ben c'était le fun, on patinait avec des grands, puis on pouvait apprendre oui. Comment ils patinaient. Puis comme moi, j'ai eu la chance de patiner en arrière de Marianne, je trippais. Oui. Je trouvais ça fun. Oui. Et vos parents, quelle sorte de réaction? Est-ce qu'ils sont nerveux? C'est sûr qu'il y a une pointe de nervosité. Ils se disent, oh mon Dieu, c'est nos enfants qu'on va voir. Ouais. Moi, pour ma part, c'est comme un peu la deuxième fois que je me rends là. Mais si ma mère, elle n'avait pas pu assister là, cette année à la 6, elle est vraiment contente. Elle se dit, oh, je vais voir ma fille pour vrai sur une glace. Ah, ils vont être présents. Oui. Y a-t-il une discipline que vous auriez plus de chances de performer? D'autres exemples, 500 mètres, le 1000 mètres, 1500 mètres. Est-ce que vos forces, c'est à quel niveau? Mais moi, je préfère le 1500 mètres dans mon cas, mais okay. Je ne pense pas avoir de force. OK, comparativement à l'autre monde? Ben moi, ça dépend des disciplines. Des fois, ça peut être le 1500 mètres autant que le 500 okay. mètres. Oui. Ça dépend. Et votre entraînement au Centre Marc Gagnon, vous le faites combien de fois par semaine? Une fois, la fin de semaine à Chicoutimi? Deux fois semaine, oui. Mardi, samedi. Mardi, samedi, oui. Et quelle sorte d'entraînement vous faites à ce moment-là au Centre Marc Gagnon? Est-ce que c'est des choses spécifiques? Ben moi, pour ma part, des fois, on travaille des choses qu'on ne travaille pas nécessairement à Dolbeau, là. Puis, ben vu que la glace est plus grande, ben, c'est sûr qu'on peut plus faire... En tout cas, à Dolbeau, la glace est plus petite qu'à Chicoutimi, fait qu'on peut plus faire certaines activités qu'on peut pas faire à Dolbeau. Flavie, ça représente quoi, tu vois, Marianne aujourd'hui, Cassandra qui est sur l'équipe nationale, Catherine Mailloux, Rosalie Tremblay... Il y en a Colioni Bradette, ils sont pas loin non plus. Ça représente quoi pour une fille qui est de Saint-Félicien de voir tous ces athlètes qui sont en avant de toi? Là? Mais c'est sûr que c'est inspirant. Si tu te dis, j'ai patiné avec eux, ben pas Marianne parce que j'étais trop jeune, mais ouais. J'ai patiné avec Rosalie, j'ai patiné avec Catherine, j'ai patiné avec Léonie. Fait que tu te dis, tu sais, pourquoi ça serait pas moi non plus? Je mets les mêmes efforts d'après moi, tout. Fait que je me dis que peut-être qu'un jour, ça va être moi qu'on va remarquer aussi. Est-ce que vous faites de l'entraînement en gymnase? Je veux dire, du cardio. C'est beaucoup plus l'été parce que, ouais, vous ne pas, oui, l'hiver, on vient avec un horaire condensé avec nos études, le matin, oui, qui prend beaucoup. Donc. Mm-hmm. Alors, tu es en quel secondaire? Secondaire 5. Secondaire 5? Secondaire 3. Secondaire 3. Alors, un finissant de cette année. Oui. On se dirige vers quoi ensuite? Je veux m'en aller en droit. En droit. Good. As-tu d'autres questions? Non, c'est moi, c'est pas mal complet. Ouais. Il va me rester à me prendre une belle photo de vous deux. D'accord. Moi, c'est radio, fait qu'en étant radio, ben, il y a...